بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc notre tafsir de Surat An-Nisa. On avait commencé à expliquer les versets de 1 à 4 et on va, inshallah, compléter les points que Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, a mentionné par rapport à ces différents versets de 1 à 4. Donc on a lu au dernier cours, on a terminé le point numéro 1 parmi les règles ou les points qu'on peut tirer de ces versets-là. Maintenant, on va commencer avec le numéro 2. ثانيا يؤخذ من هذه الآيات وجوب العدل بين الزوجات بما يمكن العدل فيه ويستطاع العدل فيه وهو ما ذكرنا من النفقة والكسوة والمسكن والمبيت وهذا هو العدل المطلوب وهذا هو العدل المطلوب. Donc le point numéro 2, c'est ce qui peut être pris par ce qui peut être tiré des versets qu'on a lus, l'obligation d'être juste envers les épouses par rapport à la polygamie, hein, ta'addud az-zawjat. Donc ici le cheikh explique que parmi les points qu'on peut tirer de ces versets, il y a l'obligation d'être juste envers les épouses. Naam, d'être juste envers les épouses avec ce qui est possible. C'est-à-dire dans ce qui est possible pour nous, dans les choses qui sont possibles pour nous. C'est-à-dire dans les choses dans lesquelles on est capable d'être juste. Naam, dans lesquelles on est capable d'être juste. Et dans lesquels il est possible d'être juste. Et c'est dans les choses qu'on a mentionnées dans le point précédent, c'est-à-dire al-nafaqa, donc c'est-à-dire l'allocation, la dépense, tout ce qu'on donne et tout ce qu'on dépense pour nos épouses, parmi les choses qui font partie des obligations, comme par exemple les vêtements, on doit les vêtir, on doit les loger les épouses. Et dans les nuits qu'on passe avec les épouses également, il faut être égal avec le nombre de, par rapport au nombre de nuits qui est attribué à chacune. Donc ça fait partie des choses qui sont, disons, obligatoires et dans lesquelles il est obligatoire pour nous d'être juste. Et on a expliqué également au dernier cours que si par exemple un homme il a plusieurs épouses, il doit être égal entre elles dans ces choses-là. Il doit être plutôt juste également, parce que on a expliqué que la justice et l'égalité c'était deux choses différentes, et que l'égalité ne signifie pas tout le temps nécessairement d'être juste, parce que parfois on peut être égal et injuste, comme parfois on peut être inégal et juste. Donc le plus important c'est d'être juste envers les épouses. Et aussi on a expliqué un point important, c'est que dans certaines choses que l'être humain ne contrôle pas, hein, il n'est pas blâmé pour les choses qui sont hors de son contrôle. Et c'est comme par exemple les choses qui ont rapport avec les sentiments que la personne ressent dans son cœur, hein, et l'amour qu'il ressent pour ses femmes et l'attirance peut-être qu'il ressent aussi pour certaines d'entre elles. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans le contrôle de l'être humain. Et c'est pour ça que, par exemple, certaines personnes, parfois, ils vont rapporter le verset 129 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc dans le verset 129, dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et vous ne serez jamais, vous ne serez jamais capable d'être juste envers vos épouses, même si vous êtes soucieux de l'être. Et les ulama ont expliqué, parce qu'il y en a certains égarés parmi les gens qui ont essayé d'utiliser ce verset-là pour essayer de montrer que, ou de prétendre que la polygamie est interdite, puisque la condition d'être égal n'est pas possible, n'est pas possible, dans le sens qu'on n'est pas capable de l'atteindre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset-là, il dit, vous ne serez jamais capable d'être juste, d'être équitable entre les femmes, même si vous êtes soucieux, même si vous faites beaucoup d'efforts pour y arriver. Et les ulama de tafsir, lorsqu'ils ont mentionné par exemple ce verset-là, ils ont clarifié que non, il n'y a pas de contradiction entre le verset qui permet à l'homme d'avoir jusqu'à 4 femmes et ce verset-ci qui est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'on ne sera pas capable d'arriver à l'égalité, à la justice. Et la raison du fait qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets-là, c'est parce que en réalité, ces deux versets-là parlent de deux choses différentes. Le verset qui permet à l'homme d'avoir plusieurs épouses et qu'il faut être juste entre elles, eh bien, la justice dont il est question par rapport à ce verset-là, c'est au sujet justement des choses qui sont possibles, dans lesquelles l'être humain ou l'homme est capable d'être juste entre ses épouses. Et il s'agit ici de des choses qui ont rapport avec les dépenses que l'homme fait de ses obligations par rapport au temps qu'il attribue à chaque épouse, par rapport au fait de loger les épouses, de les vêtir, de les nourrir, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les choses que l'homme est capable de faire. En ce qui concerne le verset 129, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et vous ne serez pas capable d'être juste », eh bien, les ulama ont dit qu'il s'agit ici des choses qui ont rapport avec le cœur, des sentiments et de l'amour et de l'affection qu'un peut avoir envers une femme et peut-être différente par rapport à l'autre femme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction entre les deux versets. On parle uniquement de deux domaines différents, deux sujets différents. Et c'est ça. Et on voit que dans le verset à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala tamilu kullal mail » ne penchez pas complètement vers une, de façon à ce que vous laissez l'autre comme si elle était accrochée, suspendue. Elle ne sait pas. Elle est toute seule. C'est comme si on l'a abandonnée. Donc, c'est ça, en fait, qui est expliqué ici dans ce verset-là. Et c'est ça le point qui nous aide à comprendre la question. Le point suivant, le cheikh, il dit, « Thalithan yu'khadhu min hadhihi l'ayat » وجوب دفع الزوج المهر لزوجته لأن الله تعالى جعله لها وآتوا النساء صدقاتهن فأضافه إليها فهو ملكها وأمر الله جل وعلا أن يدفع لها صداقها كاملا من غير نقص. Naam. Donc ici, le cheikh explique que pour le point numéro 4, il s'agit de ce qui est mentionné justement dans le verset 4. Et ça concerne le mahr qui est donné à la femme, c'est-à-dire son cadeau. Lorsqu'elle se marie, l'homme il lui offre ou il lui donne une somme d'argent ou quelque chose qui a une certaine valeur. Et ça fait partie des obligations que l'homme a de donner quelque chose à sa femme au moment du mariage. Et on appelle cette chose que l'homme donne à son mari, que la femme que l'homme donne à sa femme, pardon, c'est, on l'appelle mahar, on l'appelle aussi sadaq en arabe. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً et donner aux épouses leur mahar de bonne grâce. Et le cheikh explique que ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'homme de donner le mahar à sa femme et que c'est son droit et que c'est sa propriété, c'est à elle que ça appartient et qu'elle a le droit de gérer ce mahar comme elle le veut et de faire ce qu'elle veut avec. Et ça, c'est la preuve que de la même manière qu'elle a obtenu ou qu'elle a été propriétaire de ce mahar d'une manière qui est licite et que ça fait partie des biens ou des gains qui sont permis pour elle, eh bien, l'homme yani, qui s'est marié avec elle, il n'a pas le droit de, disons, de lui enlever quoi que ce soit de cela ou de la priver de ce bien-là, puisque il est devenu son mari, hein, en se mariant avec elle et en lui donnant ce bien-là. Et donc, ça lui appartient à partir de ce moment-là. C'est sa propriété. Et elle a le droit de l'utiliser dans ce qui est dans son intérêt à elle. Naam. Illa idha staujabat. Naam. Illa. Donc, c'est ça. Illa idha staujabat al-hijr alayha li safahin au ghayrihi. Donc, ici, le cheikh, il explique que donc c'est sa propriété et c'est elle qui a le droit de gérer cet argent-là selon son intérêt, selon son bien à elle, excepté si, par exemple, elle n'a pas encore elle n'a pas la capacité ou la notion de comment gérer son argent ou quoi faire avec et comment l'utiliser correctement. Soit parce qu'elle est faible d'esprit ou bien soit parce que elle est malade ou déficiente intellectuelle, peut-être elle a un problème, comme pour n'importe qui en fait, parce que c'est la situation dans l'islam lorsque quelqu'un par exemple n'est pas en moyen de ses n'a pas la lorsque quelqu'un n'a pas la maîtrise de ses fonctions intellectuelles ou qu'elle n'est pas apte à gérer ses biens elle-même, dans ce cas-là, ses propriétés ou ses choses peuvent être mises sous tutelle, dans le sens que c'est quelqu'un de la famille ou un proche qui va gérer ça jusqu'à ce que la personne soit en mesure de s'en occuper. Ala kulli hal, c'est ce que le cheikh il explique ici. Et donc ça, c'est le point numéro 3, c'est par rapport à ça. Donc le bien, c'est son bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de remettre ce bien-là complètement à la femme sans enlever quoi que ce soit ou sans en retirer quoi que ce soit. Parce qu'il y a parfois certains maris ou certains hommes qui vont, par exemple, essayer de s'approprier d'une part du mahar de la femme. Et il y en a même parfois des pères qui, lorsqu'ils ont donné leur fille en mariage, eh bien, ils vont se permettre de prendre une part de son mahar. Alors qu'à la base, le mahar, c'est pour elle et non pas pour le père. Si la fille désire donner quelque chose de son mahr à son père, elle a le droit parce que c'est son argent. Mais il ne faut pas que le père prenne cet argent-là de façon systématique, comme si c'était son dû. Parce qu'il y a des gens qui disent ça parfois. Ils vont dire, moi, c'est moi qui l'a élevé, c'est moi qui l'a nourri pendant toutes ces années, qui l'a vêtu. J'ai payé pour elle, j'ai dépensé pour elle, pour sa nourriture, ses vêtements, pour son éducation et ainsi de suite. Donc j'ai le droit de prendre une part de ce mahr. Et la réalité, c'est qu'en fait, tout ce que un parent ou un père dépense pour ses enfants, c'est une sadaqa qu'il fait. Donc il est récompensé par Allah de toute façon pour ça. Et malgré qu'il a dépensé tout ça pour ses enfants, ça, et pour sa fille en particulier, ça ne lui donne pas le droit de s'accaparer de quoi que ce soit de ce qui lui revient comme mahr de la part de son mari. Donc le point numéro 4, ensuite, le cheikh dit, wa yu'khadhu min hadhihi al-ayat mulkiyatu al-mar'ati li sadaqiha li'anna Allah amara bi daf'ihi ilayha wa adafahu laha فهو ملكها ولها التصرف فيه كما أن لها أن تتملك غيره من وجوه المكاسب المباحة وأنه ليس للزوج على زوجته سبيل فيما ملكته من المال بل هو ملكها تتصرف فيه بحسب مصلحتها إلا إذا استوجبت الحجر عليها لسفه أو غيره. Donc c'est ça ici le cheikh, qu'est-ce qu'il a mentionné, qu'est-ce que j'ai lu une partie de ce point-là en même temps quand j'expliquais le précédent. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses versets, il a donné à la femme le droit de propriété. Et en particulier ici, il s'agit bien entendu de son mahar, mais de façon générale également, la femme elle a le droit de posséder une propriété ou des biens. Et qu'est-ce qui lui appartient à elle? Eh bien, c'est à elle. C'est pas à son mari. Hein? Contrairement, par exemple, à ce que on retrouvait, par exemple, il n'y a pas si longtemps dans certaines sociétés occidentales, lorsque une femme, par exemple, elle se mariait, eh bien, ce qu'elle possédait, eh bien, parfois, ça devenait la propriété de son mari, ou bien elle ne pouvait utiliser les biens qui lui appartiennent, excepté avec la signature ou la permission de son mari. Donc ça, c'est des exemples de ce que certaines sociétés ou certaines personnes faisaient. Et le cheikh explique donc qu'ici, le mahar, c'est le droit de la femme, c'est sa propriété, ça lui revient à elle, et elle a le droit de gérer cet argent-là comme elle le veut, et yani de l'utiliser comme elle l'a gagné de manière licite ou comme elle l'a reçu de manière licite, eh bien, elle a le droit de l'utiliser dans tout ce qui est licite. Et son mari n'a rien à prendre de cet argent-là et n'a pas à enlever quoi que ce soit de cet argent-là à sa femme. Donc, elle peut faire avec ce qui lui plaît et ce qui est bien. Il n'y a pas de droit à son mari sur cet argent-là. Excepté si, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas apte à gérer l'argent d'elle-même pour différentes raisons. Comme on a expliqué, par exemple, si elle est malade ou si elle n'est pas capable de gérer parce que peut-être elle est encore jeune, elle n'a pas encore l'habitude de gérer de l'argent et ne sait pas comment utiliser son argent de façon raisonnable, hein, elle le gaspille. Donc dans des cas comme ça, c'est autre chose, mais bon, ça c'est des exemples. Après, le cheikh il dit khamisan yu'khadhu min hadhihi al-ayat annahu la yahillu liz-zawj wa la lighayrihi min al-awliya an ya'khudha shay'an min as-sadaq biduni idhniha illa al-ab fa inna lahu an ya'khudha min mali waladihi ما لا يضره ولا يحتاجه ومن ذلك له الأخذ من مهر بنته بشرط أن لا يضر ذلك بها أو تكون محتاجة هي إليه فدلت هذه الآيات على أن المرأة مثل الرجل في أنه لا يحل شيء من مالها إلا بإذنها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهنا يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه يعني عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Donc ici le cheikh il explique que dans le point numéro 5, il dit, on peut tirer de ces versets qu'il n'est pas permis à l'époux ni à n'importe quel autre des proche de la femme de prendre quoi que ce soit du mahr de la femme, excepté avec sa permission. Il dit sauf le père, parce que le père, s'il a le droit de prendre des biens de ses enfants, tant que ça ne leur fait pas du tort, hein, et de ce qu'ils n'ont pas besoin. S'ils n'en ont pas besoin, et si ça ne leur fait pas de tort, il peut en prendre, il peut prendre de l'argent de ses enfants. Il dit, وَذَلِكَ, donc il dit, et ça, donc ça rentre, on peut faire rentrer dans ça le fait que le père, par exemple, prenne quelque chose du mahr de sa fille, mais à condition que ça ne lui fasse pas de tort et qu'elle n'en ait pas besoin de cet argent-là. Et par rapport à ça, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. Il a dit à un compagnon, toi ainsi que toi et ton argent, eh bien, vous êtes la propriété de vous, c'est-à-dire, toi, tu appartiens à ton père ainsi que tes biens. C'est ça que ça veut dire, le hadith. Donc, il n'y a pas de reproche qu'on puisse faire au père s'il prend une partie des biens de ses enfants. Mais en même temps, il faut bien entendu que ce soit pas quelque chose qui va lui faire du tort, ou que ce soit de l'argent qui va dont elle a besoin pour payer quelque chose ou acheter quelque chose. Dans ce cas-là, c'est pas permis, hein? Ou bien dans ce cas-là, il doit pas le faire puisque ça va lui causer du tort, et de faire du tort, c'est pas permis, hein? C'est dans ce sens-là. Mais sinon, à la base, le père il peut prendre de l'argent de ses enfants, mais il doit pas être injuste, hein? Il doit pas être injuste et prendre sans que ce soit de manière juste et raisonnable. Et ensuite, le cheikh, il expliquait que donc la femme, elle est comme l'homme dans le fait qu'on ne puisse prendre quoi que on peut pas prendre quoi que ce soit de son bien excepté avec sa permission. Comme un homme, on n'a pas le droit de prendre de ses biens sans sa permission. La femme, c'est la même chose. On n'a pas le droit de prendre ses biens sans sa permission. Et la preuve générale à ce sujet-là, c'est le hadith que le cheikh il a mentionné, rapporté par Ahmad et Al-Bayhaqi et Ad-Darqutni, qui dit donc qu'il n'est pas permis à quelqu'un parmi les musulmans de prendre ou bien plutôt le bien d'un musulman n'est pas licite, excepté s'il le donne de plein gré, hein, de bon gré. Donc s'il le donne de bon gré, alors dans ce cas-là, c'est permis de le prendre. Mais sinon, on n'a pas le droit de le prendre. Et il mentionne la fin du verset 4 dans Sourate An-Nisa, justement, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est ça, si de bon gré elle vous abandonne quelque chose du mahr, alors disposez-en à votre aise et de bon cœur. Hani'an Maria. Donc c'est dans ce sens-là, hein, que ça concerne justement le fait que la femme elle puisse donner de son mahr à qui elle veut, comme elle veut, mais avec sa permission. On peut uniquement le prendre avec sa permission dans ce sens-là. Le point numéro 6, يؤخذ من هذه الآيات أن ما سمح به الإنسان من ماله فهو حلال طيب وأما ما لم يسمح به من ماله فهو من الخبيث ومن أكل الحرام. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى وسماه خبيثا فقال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Donc ici le cheikh il explique comme point numéro 6 que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets, c'est qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre quoi que ce soit des biens tant qu'il ne l'est pas permis lui-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre des biens d'une personne excepté s'il l'a lui-même permis. Et ce qu'il a donné, hein, ou ce qu'il a donné à quelqu'un la permission de prendre de ses biens, alors dans ce cas-là, ça devient halal et c'est bon. Hein, il a le droit de le prendre. Toutefois, si il ne l'a pas permis, hein, et que quelqu'un prend ses biens, alors c'est considéré comme quelque chose qui est sale, qui est mauvais. Et ça fait partie de consommer des biens haram. Hein? Donc tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ou quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, sans sa permission ou sans qu'il le donne lui-même de son plein gré. Et le cheikh, il dit qu'on a déjà mentionné le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consommer les biens des orphelins et il a appelé ça khabith. Il a dit que c'est khabith. Il a dit wala tatabaddalu al-khabith bit-tayyib. Donc c'est ça. Donc ne changez pas le bon pour le mauvais. Hein. Et ensuite le cheikh il explique le point numéro 7, ويؤخذ من مجمل هذه الآيات عناية هذه الشريعة العظيمة بمصالح الناس وأنها جاءت كاملة لمصالحهم إلى يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى منع في أولها من العصبية ومن الافتخار بالأنساب وأخبر أن الناس كلهم من أب واحد وأم واحدة فالنسب ليس لبعضهم على بعض مزية فيه وإنما المزية بتقوى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que le septième point de parmi les choses qu'on peut tirer de ces versets, c'est que dans le sens général de ce qui est mentionné dans ces versets de 1 à 4, on peut dire que cette sharia, cette grande sharia de l'islam, elle s'est préoccupée des intérêts des hommes et de tout ce qui est bon pour les hommes. Et elle est venue de manière parfaite et complète pour justement aider les hommes dans tout ce qui est bon pour eux jusqu'au jour de la résurrection. Car Allah subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, a interdit tout ce qui a rapport avec n'importe quelle forme de chauvinisme ou de tribalisme ou de racisme ou de discrimination ou de se sentir fier par rapport à ses origines ou des choses de ce genre au point de dénigrer les autres et de les rabaisser comme c'est le cas chez certaines personnes qui sont nationalistes ou qui sont et qui pensent qu'ils sont les meilleurs êtres humains au monde et que leur peuple c'est le meilleur et que leur nation c'est la meilleure et que leur couleur c'est la meilleure et que leur leur peuple c'est le, et ainsi de suite, leur drapeau c'est le meilleur et que tous les autres peuples sur terre ne valent rien, c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus forts, c'est eux les plus beaux, c'est eux les plus importants, c'est eux les et ça c'est des exemples de asabiya et de gens qui se pensent meilleurs que les autres ou qui se vantent à cause de leur origine. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans sourate An-Nisa, le premier verset, il a clarifié que tous les êtres humains sur terre, ils sont d'un seul homme et d'une seule femme à la base, d'un seul père et d'une seule mère et donc que peu importe la lignée ou la généalogie qu'ils ont ou la généalogie ou bien leur origine ou bien leur caste ou leur classe sociale ou peu importe, à la base ils n'ont rien qui les distingue des autres puisqu'ils sont tous à l'origine d'un seul homme et d'une seule femme, on vient tous du même père et de la même mère, et la seule particularité ou la seule distinction qui est valable ou qui a une importance pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété, at-taqwa, c'est-à-dire le fait qu'on on fasse ce que Allah ordonne et qu'on s'écarte de ce qu'il interdit. C'est ça en fait qui est la seule distinction qui est valable et qui a un sens pour Allah. Tandis que les autres choses, que ce soit la couleur, que ce soit le lieu géographique dans lequel on est né ou dans lequel on vit, ou que ce soit la langue qu'on parle, ou la tribu à laquelle on appartient, ou le peuple auquel on appartient, ou peu importe n'importe quelle autre considération, la couleur de la peau ou n'importe quelle autre chose, tout ça, ce ne sont pas des distinctions qui sont importantes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce ne sont pas des choses qui vont nous sauver au jour de la résurrection non plus. Le point numéro 8 parmi les choses qu'on peut tirer de ces versets, le cheikh il dit وفيها بيان أن الرجال والنساء يتساوون في التملك للأموال وأن المرأة تملك كما يملك الرجل وأن المرأة يجب عليها من أمور الدين ما يجب على الرجال أو على الرجل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله وبرسوله وأداء الفرائض وترك المحرمات هذا الرجال والنساء فيه سواء وإن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم يختلف الذكور عن الإناث بأحكام تخصهم وتليق بهم وتختلف النساء عن الذكور بأحكام تخصهم وتليق بهن وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique que dans le point numéro 8 il y a dans ces versets que les hommes et les femmes sont égaux dans la propriété des biens dans l'islam et que comme de la même manière que les hommes ont le droit à la propriété, les femmes aussi ont le droit à la propriété et que une femme il est obligatoire pour elle des choses de sa religion, ce qui est obligatoire pour les hommes également. C'est-à-dire, de la même manière que certaines choses sont obligatoires pour les hommes, eh bien, elles sont également obligatoires pour les hommes. Et il donne des exemples comme, de façon générale, l'obéissance à Allah, l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la foi en Allah et en son messager, et le fait d'établir les obligations religieuses et de délaisser les interdictions. Ça, c'est les hommes et les femmes sont égaux dans ces choses-là. Et il cite le verset 35 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une énumération de certaines caractéristiques des croyants, hommes et femmes, et il mentionne justement les deux sexes hein, de façon égale par rapport à des actes de piété et des caractéristiques de la foi. Donc il dit par exemple al-muslimin wal muslimat, c'est-à-dire les musulmans et les musulmanes, wal mu'minin wal mu'minat, les croyants et les croyantes, والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات. Donc القانتين والقانتات ça veut dire les obéissants et les obéissantes. والصادقين والصادقات c'est-à-dire ceux qui sont véridiques et loyaux hein, que ce soit des hommes ou des femmes. والصابرين والصابرات c'est-à-dire les endurants et les endurantes. والخاشعين والخاشعات donc celles qui sont humbles, les hommes et les femmes qui sont humbles et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. والمتصدقين والمتصدقات, c'est-à-dire ceux qui donnent en sadaqa, que ce soit des hommes ou des femmes. والصائمين والصائمات, ceux qui jeûnent, les hommes et les femmes. والحافظين فروجهم والحافظات, celles qui gardent leur chasteté, hein, leur partie intime, ils les préservent. De même que ceux qui préservent leur partie intime, les hommes et les femmes. Après, il mentionne une autre caractéristique. Il dit وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ, ceux qui se souviennent énormément d'Allah et qui se souviennent beaucoup d'Allah, et celle qui se souvient également beaucoup d'Allah, eh bien, il dit à la fin, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc ça, c'est ce qui implique que les deux, les hommes et les femmes, sont égaux dans ces obligations-là et dans ces adorations-là. Et que si les deux font des bonnes œuvres, eh bien, les deux seront également récompensés pour tout ce qu'ils font comme bonne action et tout ce qu'ils ont comme sincérité, comme foi, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il a mentionné aussi un autre verset, qui est le verset 97 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque fait une action qui est bonne, que ce soit un homme ou une femme, et qu'il est croyant, alors nous allons lui donner la vie qui est bonne. Nous allons le faire vivre une vie qui est bonne. Et nous allons lui donner sa récompense, nous allons lui donner en rétribution et en récompense pour le meilleur de ce qu'ils ont œuvré. On va leur récompenser leur récompense pour le meilleur de ce qu'ils ont fait comme action et comme ce qu'ils ont œuvré. » Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, puis ensuite, il y a des distinctions et des différences dans certaines des règles de la charia pour les hommes par rapport à certaines règles qui leur sont spécifiques et particulières. Et il y a également d'autres règles dans lesquelles il y a des différences entre les hommes et les femmes parce que ces règles-là sont spécifiques aux femmes et qu'elles leur conviennent. Et ça, la raison pourquoi il y a ces distinctions-là dans certaines règles, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ces distinctions-là par rapport à sa sagesse. Et déjà, le fait même qu'il y ait deux sexes, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des mâles et des femelles, des hommes et des femmes. Et dans cette distinction-là, il y a une sagesse. Il y a une sagesse. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a fait cette distinction-là, c'est parce qu'il y a une sagesse dans ça, il y a un bien dans ça. Et ça implique également aussi que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes d'une façon et les femmes d'une façon différente, eh bien ça implique justement qu'il y a des rôles qui sont différents aussi pour les hommes et les femmes. Et donc, il faut respecter ces distinctions-là, respecter ces différences. Et ceux qui justement ne tiennent pas compte de ces différences-là, ils ne tiennent pas compte de la sagesse divine dans le fait qu'il y ait ces distinctions-là dans la création. Eh bien, c'est des gens en réalité qui poussent la femme à essayer de devenir un homme. Qui poussent la femme à essayer de devenir un homme. Et on voit de plus en plus, malheureusement, aussi des hommes qui essaient parfois même de s'efféminer et de devenir comme des femmes. Et ça, c'est à notre époque de plus en plus. Alors, ça, c'est des choses qui indiquent que ces gens-là sont en contradiction avec non seulement les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées et la sagesse, la sagesse dans laquelle il a fait ces distinctions, et en même temps en contradiction avec la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses, comment il a voulu les choses. Ensuite, le cheikh il dit, وَتَاسِعًا يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَنِي آدَمْ إِلَّا بِالتَّقْوَى فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي النَّسَبْ بِأَنْ يَتَمَيَّزْ وَاحِدٌ عَلَى آخَرْ فِي النَّسَبْ فَإِنَّ نَسَبَهُمْ وَاحِدٌ وهو أنهم بنو آدم كلهم لا فضل لعربيهم على عجميهم ولا لأبيضهم على أسودهم إلا بالتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى فهنا يتميز الخلق يتميز أهل الإيمان عن أهل الكفر ويتميز أهل الطاعة من أهل المعصية وهذا هو الفارق الوحيد. Donc ici, le cheikh, il explique, hein, il dit comme neuvième point, que qu'est-ce qu'on peut tirer dans ces versets-là? Il y a le fait qu'il n'y a pas de différence entre les fils d'Adam, excepté par la piété. Hein, la piété, c'est-à-dire l'obéissance à Allah et le fait de s'écarter de ce que Allah a interdit et de faire ce que Allah ordonne. C'est ce qui fait la différence entre les hommes. Et de même que la foi et la sincérité qu'ils ont dans le cœur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas de différence entre eux dans les origines qu'ils ont, dans leur couleur de peau, ou dans le lieu géographique où ils vivent, ou dans, yani, ou bien dans leur généalogie, ou peu importe. Yani, tout ça, c'est, hein, toutes les distinctions qui peuvent exister entre les hommes par rapport à leur ethnie, par rapport à leur couleur, par rapport à leur région, la région dans le monde dans lequel ils vivent. Il faut savoir donc que leur origine à la base, elle est unique. Ils viennent tous de Adam, ils sont tous des fils d'Adam. Et il n'y a pas de mérite, hein, et d'excellence à l'arabe sur le nom arabe, ni au blanc sur le noir, excepté par la piété. Donc la piété envers Allah, c'est ça la plus importante des choses. At-taqwa, c'est la plus importante des distinctions, et le reste, c'est pas important. Et on a vu que ceux qui font des distinctions entre les hommes, en général, yani, c'est surtout les kuffars qui insistent sur ça, hein, et qui veulent absolument faire en sorte que les hommes soient traités de façon différente selon leur couleur, ou selon leur origine, ou selon leur, hein, selon leur ethnie, ou des choses de ce genre. Ça, c'est les kuffars, ils veulent insister là-dessus parce que ils veulent, hein, ils aiment l'injustice et ils profitent de l'injustice, et donc ils veulent faire en sorte que ces injustices-là perdurent. Et aussi, yani, c'est basé sur l'ignorance, souvent. Tout ce qui a rapport avec le racisme, tout ce qui a rapport avec la discrimination basée sur les origines des hommes ou leur couleur, tout ça, c'est à la base, hein, ça vient de l'égarement et de l'ignorance. Et l'islam est venu combattre ça, est venu condamner ce genre de choses. Et depuis le début de l'islam, on a vu qu'il y avait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient des noirs, qui étaient des esclaves, qui étaient des gens de différentes origines. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des Africains, des Noirs, il y a eu des Perses, il y a eu des gens qui étaient d'Europe, de différentes régions du monde. Et donc, cette religion, c'est la religion de la fraternité, hein, basée sur la foi. Peu importe ton origine, c'est pas grave. Même si t'es chinois, hein, même si t'es blanc, même si t'es noir, même si t'es yani, rouge, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, t'es musulman, t'es notre frère. Hein. Et ceux qui n'ont pas compris ça, hein, alors ils n'ont pas compris la réalité de l'islam. Parce qu'il y a des fois, certains musulmans, ils constatent que parfois, dans certains pays, il y a certaines discriminations qui existent par rapport à l'origine ou par rapport à la couleur des gens. Et qui disent, oh, mais regardez, dans certains pays musulmans, il y a de l'injustice, ou il y a du racisme, ou il y a de la discrimination. Ça, c'est des choses qui existent là, parmi les musulmans. Eh bien, c'est des choses que l'islam condamne. Et le fait que certains musulmans ont certaines de ces caractéristiques-là, eh bien, ça ne veut pas dire que l'islam les tolère ou que l'islam les accepte. Au contraire, l'islam est venu condamner ces choses-là. Et pour nous, les musulmans, c'est quelque chose qui est détestable. Mais il y aura toujours ce genre de comportement ou ce genre d'attitude chez les musulmans ou parmi les musulmans, parce qu'il y aura toujours parmi eux des gens qui ont une foi faible, qui ont un niveau de connaissance plus faible que les autres, ou qui ont un niveau de piété justement plus faible que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même averti les musulmans qu'il y allait avoir certaines caractéristiques dans sa umma qui vont rester parmi les caractéristiques de l'ignorance. Et il a mentionné comme exemple justement al-fakhru bil-ansab wa at-ta'nu fil-ansab. Donc ça, c'est pour dire que il y aura toujours de ce genre d'ignorance là, sauf que il a qualifié ces choses là d'ignorance, hein, de jahiliya, hein. Donc c'est à dire que c'est des choses qui sont blâmables, qui sont condamnables et qu'on ne doit pas accepter, qu'on ne doit pas approuver, qu'on doit combattre, qu'on doit dénoncer dans le but de les enrayer, hein, et non pas en être satisfait et fermer les yeux à ces choses-là pour les tolérer ou les accepter. Donc, il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours un travail à faire parmi nous les musulmans, pour justement faire en sorte qu'on soit dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce qui distingue entre les hommes, c'est seulement la foi et la mécréance. C'est ça le seul critère de distinction entre les êtres humains. D'accord? La seule chose qui distingue entre les hommes, c'est la foi et la mécréance. Le reste, des autres facteurs, ça, ce n'est pas des choses dont on doit tenir compte. Donc, les gens qui sont obéissants et les gens qui sont désobéissants. Les gens qui sont croyants et les gens qui sont mécréants. C'est ça, c'est là où se tranche, hein, où se trace la ligne entre les êtres humains. Le reste, c'est des choses futiles qui n'ont pas réellement de considération. Le point numéro 10, le cheikh il dit « يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أن الله جل وعلا أراد بذلك بقاء النسل البشري فيؤخذ من ذلك الحث على الزواج طلبا للذرية من أجل بقاء النسل البشري وأن يكون المقصود من الزواج ليس مجرد الشهوة فقط وإنما يكون المقصود منه هذا المقصد العظيم وهو الذرية الصالحة. Donc le cheikh il dit que également parmi les choses qu'on peut tirer de ces versets, il y a la sagesse. Une des explications par rapport à ces versets, c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les mâles et les femelles, les hommes et les femmes. Et parmi les exemples que on a mentionné tout à l'heure, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse d'avoir créé les hommes et les femmes. Parmi l'exemple de cette sagesse-là, il y a le fait de vouloir justement faire en sorte que la race humaine puisse se multiplier et puisse perdurer, hein, se compléter, disons, continuer à rester en vie. Parce que c'est de cette manière-là que les hommes se reproduisent, hein, que les êtres humains se reproduisent par le mariage entre l'homme et la femme. Et c'est ce qui fait que lorsqu'ils se marient, ils font des familles et donc ils ont des enfants. Et c'est ce qui fait que la race humaine peut continuer à exister. Et ça, donc, c'est un des buts de le fait que c'est un des objectifs, hein, du mariage. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé justement l'homme et la femme. Et que le mariage n'est pas uniquement dans le but d'assouvir ses désirs, hein, et ses besoins, mais c'est surtout également le grand objectif dans cela, c'est d'avoir des enfants pieux qui vont faire en sorte que la race humaine puisse continuer d'exister sur terre. Naam. Donc ça fait partie des exemples. Et du fait que justement il y a cette différence entre les hommes et les femmes, parce que justement il y a chacun a son rôle. La femme, elle a son rôle, l'homme, il a son rôle. L'homme, il n'a pas d'utérus. La femme, elle a un utérus. Est-ce que l'homme peut remplir le rôle de la femme? Non. Est-ce que la femme peut remplir le rôle de l'homme? Non. Chacun, il a son rôle. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit comme ça. Donc, tout ce que les kuffars, parmi les gens qui ne croient pas en Allah, tout ce qu'ils ont ramené comme conflit et comme dispute et comme yani, lutte entre les sexes, tout ça vient de leur rejet de la foi en Allah et de leur rejet également de la sagesse divine pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes. D'accord? Ça, c'est important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, yani, ça ne veut pas dire que il va y avoir une injustice qui doit être faite à l'un ou à l'autre, mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a une différence. L'homme est différent de la femme et la femme est différente de l'homme. Donc, certaines femmes vont dire, oui, mais ça, c'est pas juste dans ce cas-là parce que on n'a pas le droit de faire tout ce que les hommes font. Hein? Et peut-être que certains hommes vont dire, oui, mais c'est pas juste parce qu'on n'a pas le droit de faire tout ce que la femme peut faire. Hein? Par exemple, un homme qui va dire, mais moi, j'aimerais ça porter le bébé dans mon ventre 9 mois. Hein? Un homme qui va dire, moi, je voudrais avoir cette possibilité-là. Sauf que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas fait de cette façon-là. Il n'a pas voulu que ce soit l'homme qui porte le bébé 9 mois, il a voulu que ce soit la femme. Il n'a pas voulu que ce soit l'homme qui ait les règles, les menstrues pendant hein, plusieurs jours chaque mois, il a voulu que ce soit la femme. Il n'a pas voulu que l'homme, ce soit lui qui ait le lait hein, pour être capable de nourrir le bébé, il a voulu que ce soit la femme. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, qui disent non, c'est pas juste, on devrait avoir tous les deux le même droit et les mêmes égalités, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu qu'il y ait cette égalité-là. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que l'homme et la femme soient équivalents. Il a voulu qu'il y ait une différence entre les deux. Et cette différence, elle est là pour une raison. Il y a une sagesse derrière. Parce que chacun, il a son rôle. Chacun, il doit accepter le rôle qu'il doit jouer dans hein, la société. Et si quelqu'un refuse d'accepter cette sagesse-là ou d'accepter la réalité, eh bien, subhanallah, c'est comme si quelqu'un me dit, moi, j'accepte pas qu'il y ait la gravité. Je veux pas que quand on lance quelque chose en haut, ça retombe. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Il n'y a rien que tu peux faire. Ça, c'est Allah qui l'a créé comme ça, tu dois juste l'accepter. Le croyant, il l'accepte. Le kafir, lui, il l'accepte pas. Il est hein, rebelle envers son créateur. Et c'est pour ça qu'il va être châtié dans l'enfer, parce qu'il refuse hein, de se soumettre à son créateur et d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître tout-puissant de la création. Ensuite, le cheikh, il dit, donc il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se marient, même pas, hein, en particulier chez les koufars. Il y a beaucoup de gens, ils ne se marient pas. Ils font que rester ensemble dans le zina. Et quand ils se marient, même parfois, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je ne veux pas d'enfant. Hein? Je veux pas avoir d'enfant. Je veux pas fonder de famille. Ça, c'est pas permis hein, pour un musulman ou pour une musulmane. Malheureusement, parfois, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple chez certains jeunes à notre époque qui sont influencés par tout ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils entendent sur Internet et qui se laissent influencer par les modèles de mode de vie qu'ils voient par exemple chez les koufars. Hein? Ils veulent imiter ces différentes images et ces différents modèles qu'on leur montre dans les médias. Alors ils disent, oh, moi, j'ai décidé que je vais faire ci, ou que je vais pas faire ça, ou que je vais. Hein? Il y en a qui disent, bon, moi, je vais pas me marier, je veux pas avoir d'enfants, je veux juste hein, rester comme ça. Et Lamstein. Il y en a même maintenant qui commencent à essayer d'adhérer à certains modes de vie qui sont des choses qui sont clairement haram, des modes de vie qui sont clairement péchés. Donc, tout ça, c'est des exemples de problèmes, hein, par rapport justement à la façon dont on voit la vie et comment on comprend le but de notre existence et comment on doit vivre sur cette terre. Et quand des gens, par exemple, ont des corruptions dans leur façon de voir la vie, eh bien, ça crée plein de conflits et de problèmes par la suite. Et c'est pour ça que tu vas voir, par exemple, lorsqu'un homme, par exemple, qui veut se marier ou une femme qui veut se marier, elle rencontre quelqu'un ou bien on lui présente quelqu'un pour le mariage et que l'un, il pense d'une façon et l'autre pense d'une autre façon et chacun d'entre eux, il a son idée sur la vie qui n'est pas basée sur la foi, qui n'est pas basée sur la charia d'Allah. Alors, le résultat, c'est que par la suite, tu vas voir, ils vont jamais s'entendre sur quoi que ce soit. Hein? Surtout si, par exemple, un d'entre eux décide qu'il faut revenir à Allah et commencer à appliquer l'islam, et que l'autre, lui, il n'est pas satisfait de ça ou qu'il ne veut pas ça, alors là, c'est là que yani, ça crée un déchirement. Le point numéro 11, et puis je pense qu'on va terminer avec ce point-là. C'est, il dit, أحد عشر يؤخذ من هذه الآيات مشروعية السؤال بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه. وذلك من تعظيم الله عز وجل. فإذا سأل أحد بالله شيئا يمكن إعطاؤه إياه ويحل إعطاؤه إياه فإنه لا يجوز منعه لأن هذا من باب التعظيم لله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique que il est parmi les choses qu'on peut tirer de règles parmi ces versets-là, il y a le fait qu'il est permis, hein, il est légiféré de demander à quelqu'un par Allah. Demander à quelqu'un par Allah, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ainsi que selon Ibn Umar, yani par Abu Daoud, al-Nasa'i, yani dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque on vous demande par Allah, donnez, alors donnez à la personne. Et ça fait partie du respect qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne demande à quelqu'un, lorsque une personne demande quelque chose à quelqu'un par Allah, hein, il dit par exemple, je te demande par Allah de me donner telle ou telle chose. Alors il dit par respect pour Allah, on devrait lui donner, on ne devrait pas lui refuser, parce que ça c'est par respect pour Allah. Et un autre dernier point, hein, qui est pas long, inshallah, ثاني عشر يؤخذ من هذه الآيات وجوب صلة الأرحام لأن الله أمر باتقائها وذلك بأداء حقها يعني اتقاء إثمها وعقوبتها إذا قطعت فيتقي ذلك بالصلة. Donc ici le cheikh il explique que parmi les choses qu'on peut tirer de ces versets, il y a l'obligation de garder les liens de parenté. Hein? Donc de garder les liens de parenté, les liens de sang. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se préserver, hein, des liens de parenté, c'est-à-dire de se préserver de ces liens de parenté, c'est-à-dire du châtiment qui découle du fait de couper les liens de ces parentés-là et du péché qu'il y a dans le fait de couper les liens de parenté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne donc de préserver, de garder les liens de parenté et de se préserver du châtiment qui découle de briser ces liens-là. Donc, dans ça, il y a un rappel par rapport à ce point-là.